Non, le magistère a perdu. Mais maintenant que... Pardon. Mais maintenant, comment comptez-vous reprendre les rênes ? Mais maintenant, comment comptez-vous reprendre les rênes ? Avez-vous quelqu'un à placer à la tête de la... Oh, punaise, il y a quelqu'un qui m'appelle. Non, le magistère a perdu. Mais maintenant, comment comptez-vous reprendre les rênes ? Avez-vous quelqu'un à placer à la tête de Bourgade ? Mais maintenant, comment comptez-vous reprendre les rênes ? Avez-vous quelqu'un à placer à la tête de Bourgade ? Cette rébellion enchaîne... Cette rébellion entraîne la chute de l'ancien système. Il vous faut réfléchir à la suite des événements où tout redeviendra comme avant, car tout le monde se rendra compte de l'ineffect... Car tout le monde se rendra compte de l'ineffect... Il est trop dur ce mot. Cette rébellion entraîne la chute de l'ancien système. Il vous faut réfléchir à la suite des événements où tout redeviendra comme avant, car tout le monde se rendra compte de l'ineffect... C'est pas vrai. Car tout le monde se rendra compte de l'ineffect... Mais c'est pas possible. Car tout le monde se rendra compte que votre idéalisme est inefficace. Il vous faut réfléchir à la suite des événements où tout redevient... Il vous faut réfléchir à la suite des événements. Ou alors tout redeviendra comme avant. Car tout le monde se rendra compte de l'inefficacité de votre idéalisme. Je sais pas s'il doit crier. Je vais le faire sans crier cette fois-ci. Cette rébellion entraîne la chute de l'ancien système. Il vous faut réfléchir à la suite des événements où tout reviendra. Punaise. Où tout redeviendra comme avant. Où tout redeviendra comme avant. Car tout le monde s'en rendra. Punaise, j'y arrive plus. Car tout le monde se rendra compte de l'inefficacité de votre idéalisme. J'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Car tout le monde se rendra compte que votre idéalisme est inefficace. C'est mieux. Voilà. Et dans 20 ans, quand tout le monde vous aura oublié, nous serons toujours là. Et croyez-moi, nous nous rappellerons de vous tous. Alors profitez pleinement de ces 20 ans d'immunité, parce que passé ce délai, même l'achat de tout le temps que vous pourrez trouver vous sera inutile. Pourquoi il y a... Parce que passé ce délai, même l'achat de tout le temps que vous pourrez trouver vous sera inutile. Et dans 20 ans, quand tout le monde vous aura oublié, nous serons toujours là. Et croyez-moi, nous nous rappellerons de vous tous. Alors profitez pleinement de ces 20 ans d'immunité. Parce que passé ce délai, même l'achat de tout le temps que vous pourrez trouver vous sera inutile.